بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية تقدم لكم فتح العلامي في دراسة أحاديث بلوغ المرام. هذه كومنتي بار أبو تيمية خليل المتنكي حفظه الله تعالى. 28 لسون. إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل. فقال المؤلف رحمه الله تعالى، يعني أحمد بن علي الملقب بالحافظ ابن حجر العسقلاني، الحديث 44 عن جابر بن عبد الله في صفة الحج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ابدأوا بما بدأ الله به، أخرجه النسائي هكذا باللفظ الأمر، وهو عند مسلم باللفظ الخبر. يسأل جابر بن عبد الله رضي الله عنه، c'est-à-dire dans la description du Hajj du prophète صلى الله عليه وسلم, qu'il a dit: commencez par ce quoi Allah a commencé. Le hadith rapporté par Nasa'i avec cette version qui est une version à l'impératif, c'est-à-dire commencer. Et il est chez Muslim avec une version d'information qui est Abda'u bima bada Allahu bi, également selon Jabir, un Muslim. Il dit Abda'u, il informe que, comment il commence. Et le hadith là, comme on l'a là, il est chaz. La version de Nasa'i, elle est chaz. Mais celle de Muslim la remplace. Bien évidemment. طيب. Donc il dit: المسائل والأحكام المستفادة من الحديث. مسألة: حكم ترتيب أعضاء الوضوء. Jugement de l'ordre dans les ablutions des membres de l'eau. La mas'ala, il y a deux qawls dedans, deux avis. Et en fait, le hadith, c'est ça qu'il veut dire. Commencez, d'accord, commencez par ce quoi Allah a commencé, c'est-à-dire dans son livre. Et c'est quoi le verset? Vous êtes comme tous les salats, farsilu wujuhakum. وَيَدِيَكُمْ لِمَرَافِقْ وَمْسَحُ بِرُؤُسِكُمْ وَرْجُلَكُمْ لِكَعْبَيْنِ. Donc Allah il a commencé par quoi? Hein? Et si vous allez faire la salat, alors lavez vos visages ainsi que vos visages, essuyez vos têtes, lavez vos mains et vos jambes. Ou plutôt les mains avant la tête. Non. Et justement, ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a parlé de quoi? Dans le Hajj. Lors du Hajj. Mais il y a d'où l'al-qa'ida, la règle qui est, ou l'ibra, bi umum al-lafz, ou la bi khusus al-sabab. Qu'on prend en considération la généralité englobée par le sens, et non pas pour la cause en soi. Car là, il se base sur un hadith qui concerne le wudu pour le hajj. Non. Donc là, c'est ça la mas'ala. L'ordre, quand tu fais le wudu. Donc on a dit, il y a deux qawl. Un qui dit que c'est obligatoire de faire l'ordre si tu es dans le Coran. Non. Après, si tu as une longue mas'ala liée à la langue arabe, donc on va inch'Allah la passer, qui appuie également que c'est une obligation. Et la deuxième parole, c'est l'istihbab, qu'il est recommandé de faire cet ordre-là, mais qu'il est permis également de faire un autre ordre. Et bien entendu, la parole la plus juste, c'est la première. D'accord, c'est la première. Et c'est l'avis de Cheikh Al-Faymin, de Cheikh Mokbir, rahmatullah alayhima. Et plein d'autres savants. Des fois, il en cite certains, pas tous, hein, mais voilà quoi. Après, il dit Mas'ala, هل تدخل المضمضة والاستنشاق في وجوب الترتيب؟ Est-ce que la مضمضة والاستنشاق rentre dans l'obligation de l'ordre à suivre, du classement? Quand même. La مضمضة, on a dit c'était quoi? Rincer la bouche. استنشاق, qui est lié à l'استنثار, c'est quoi? Aspirer l'eau avec le nez et la ressortir. Quand on cite un tout seul, ça inclut deux. À la base, le sinchak tout seul, c'est inspirer l'eau par le nez. Le stinfer, c'est le ressortir. Mais si on dit sinchak tout seul, ça veut dire les deux. Il s'inclut les deux plutôt. Donc, il cite une parole d'Ibn Qudama dans le Mughni qui dit qu'il y a deux qawl kazalik. Attends. Un call qui dit qu'il rentre dans l'ordre, c'est-à-dire qu'il est obligatoire de les rentrer dans l'ordre, comme dans les hadiths sont venus, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la quasi-totalité des hadiths venant d'écrire sur ses ablutions, son wudu, cite qu'il a fait le stinshaq et le mazmaza en lavant son visage. Et une autre parole qui dit que pour le stinshaq et le mazmaza, il se peut que tu le retardes. Se basant sur un hadith apporté par le Mekdom, Anna Nabiya sallallahu alayhi wa sallam, Utiya bi wudu'in, fa ghassala kafay thalathan, thumma ghassala wajjahu thalathan, thumma ghassala zira'i thalathan, thumma tamadmada wa stanshaqa, rawa Abu Daoud, bi sanadin hasan. Qu'il fut apporté pour votre sallallahu alayhi wa sallam de l'eau pour faire les ablutions. Il lava ses deux mains trois fois. Quand on dit les mains, là on parle des mains, les paumes, pas les avant-bras. Ensuite, son visage trois fois. Ensuite, il lava ses bras trois fois. Et ensuite, il fait la mazmada et le sinchak. Il ne l'a pas fait que le visage. Et le hadith, il est hassan. Du moins, le shir le rapporte le comme étant hassan. Mais lorsqu'il y a un khilaf, il n'est pas cité. Chez Abu Daoud, numéro 121. Pour ceux qui veulent le chercher, qui veulent le revoir. Dans son nom d'Abi Daoud, Rokmiya ou Wahidou Aishalin. Donc la part, c'est pas dans cette preuve, c'est qu'il n'est pas obligatoire, avec la mazmada, le sinchaq, de faire dans l'ordre, bien que cela est mustahab, car dans, comme il a dit, presque tous les hadiths, à part celui-là, sont tous venus en disant qu'il l'a fait en contre-lève son visage. En lavant son visage. Naam. Wa ba'da hadha qal al-hadithu al-khamis wa arba'un wa anhu ay Jabir qala kana an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam idha tawadda'a adara al-ma'a ala mirfaqayhi akhraju ad-Dariqutni bi isnadin da'if. Toujours selon Jabir, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il faisait l'eau, faisait tourner l'eau sur ses coudes. Akada. Avec un geste de rotation. Rapporté par le Dar al-Kutni, et il est da'if. Même très da'if. Da'if jiddan. Donc le Shir dit que le Ibn Hajar cite à ce hadith en guise de preuve que les coudes rentrent dans le roussel, dans le lavage des avant-bras. Et bien évidemment, ce hadith, on peut s'en passer que le hadith d'Abu Huraira dans Muslim. Anna Nabiya sallallahu alayhi wa sallam, tawadda'a fa ghassala yaday hatta shara'a fi al-ghadu. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait commencé à faire l'eau. Et c'est ce qu'il a commencé يعني حتى شرع في العضو سكيلتان إبغاء ولا كم صار. نعم. Et ce, cette masala, on en a déjà parlé, le fait de frotter ou faire tourner l'eau, là, on en a déjà parlé dans le hadith de Rothman. Et autres. Ça, c'était juste un kalam court par rapport à ce hadith-là. On avait dit quoi ? Hukm al-dalk, le fait de frotter. C'est wajib, mustahab, c'est makrouh, c'est mubah, c'est. نعم يعني الأصل أن الدلك الدلك مباح فهمت c'est une chose permise après on a dit ça c'est دلك ou autre que après الوسائل لا حكم المقاصد que les moyens prennent le jugement des objectifs c'est-à-dire si tu en as besoin pour une certaine chose obligatoire alors ce moyen va devenir obligatoire ça c'est une qaïda âme en toute chose. Quand tu as une chose, elle est permise, par exemple, et que sans elle, tu ne peux accomplir un wajib, elle va devenir wajib. Et également, elle prend la récompense de ce pourquoi tu l'utilises. Alors, une chose permise à la base où tu n'as pas de récompense, tu l'utilises pour faire une obligation ou quoi, tu en seras récompensé. Et le contraire, pareil. Si jamais tu t'en sers pour un péché, c'est la même chose. Taïeb. Summa qala. الحديث السادس والأربعون السادس والأربعون وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر الله عليه أخرجه أبو داود وابن ماجه بإسناد ضعيف وفي السابع والأربعين وللترمذي عن سعيد بن زيد وفي الثامن وأربعين وأبي سعيد نحوه قال أحمد لا يثبت فيه شيء. Donc là c'est quoi dans le 46e hadith selon Abu Huraira que le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit pas d'eau pour celui qui ne prononce pas le nom d'Allah dessus. Le hadith est apporté par Ahmed, Abu Daoud et d'autres, Ibn Majah, avec une chaîne de narration qui est faible. Et également Tirmidhi il a apporté selon Saïd ibn Zayd. Et également, une version selon Abu Saïd. Et Ahmed, il a dit, il n'y a rien d'authentique là-dessus. Tamam. Donc, il dit le shir. Al-masa'il wal-ahkam al-mustafadatu min al-ahadith. Hukm al-tasmiyati ala al-wudu'i. Le jugement de prononcer la basmala, de dire bismillah, sur l'wudu'. Donc ça se divise en plusieurs aqwal. Le Jumhur, il voit que cela est mustahab. La plupart des savants voient que cela est mustahab. D'autres voient que cela est obligatoire. Et c'est quoi leur preuve, ce hadith? Ce hadith. À tel point que ils voient que c'est obligatoire, par contre. Il y a ni sans basmala que le wudu est invalide. Ils disent hormis pour celui qui aurait oublié sahwan. Il a oublié, il n'a pas fait attention. Lui, sa tahara, son wudu n'est pas invalide. Ça c'est l'avis de Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala. Et donc, là-bas, il dit si, même s'il oublie, le wudu est invalide. Et qui dit au droit malide, dit salat invalide. Kavalik. Et c'est quoi leur dalil? Ce hadith. Ce hadith. Et apparemment, ce serait l'avis de Sheikh Al-Albani. Rahmallahu ta'ala. Kavalik. Il voit que lui, c'est obligé de le dire et même si tu oublies. Comme il dit, le Sheikh dit, wa wa zahir ikhtiyar al-alamat al-Albani. Apparemment, ce serait son choix. L'apparence de son choix, c'est ça. Donc leur istidlal n'est pas correct car le hadith n'est pas authentique. Tamam. Donc la parole réelle c'est celle du jumhur que c'est mustahab. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam était connu que dans ses ribadas, la base qui prononçait la basmala. Et ça, c'est l'avis de Kid al-Bukhari, de Sheikh al-Islam, de San'ani, de Sheikh Mokbil, de Sheikh al-Faymin. Allez, maintenant, un truc que souvent les gens ils se posent comme problème par rapport à la basmala, dans les pays comme ici au Yémen, dans le pays d'islam, où souvent le hammam, il y a les deux dedans. Il y a les toilettes et la salle de bain. En une seule pièce. Même, il y en a qui disent, taillez, moi je vais faire l'odo, et là où je fais l'odo, c'est à côté des toilettes, du lieu de défection. Donc est-ce que je dis la basmala ou pas? Est-ce que si tu dis la basmala, c'est pas que tu l'as dit en toi. Vikr, même le vikr, il faut que tu le prononces. Sans lever la voix, il faut que tu le prononces. Tes lèvres et bougent. Et Shir Yahya dit tout simplement, tu t'éloignes du lieu de défection, et tu fais la basmala. Tu t'arranges pour faire l'odo. Par exemple, la base dans l'odo, c'est de faire l'odo dans un récipient. Pourquoi vous en avez pris quoi? Bebel Ani. Tu peux le faire sans, c'est pas obligatoire, mais le mieux c'est ça. Comme ça, au moins déjà l'eau, tu la gères. Il y a moins de gaspillage avec un récipient. On voit Akrab et les Sunnah. C'est plus proche de la Sunnah. Donc, si t'as un récipient, tu prends ton récipient. Si par exemple, le robinet est à côté du lieu où il y a le défection, et tu t'éloignes. Tu fais ta basmala et tu fais l'odo. Naam. Après, dernière mas'ala. Qala al-hadithu al-tasi'a wal-arba'un an Talhata ibn Musarrif an Nabihi wa Jaddi an Jaddihi radiyallahu anhum qala ra'aytu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yafsilu bain al-madmadati wal-istinshaq akhrajahu Abu Dawud bi isnadin da'if 50 an Ali radiyallahu anhu fi sifat al-wudu قال ثم تمضمض صلى الله عليه وسلم واستنثر ثلاثا يمضمض ويستنثر من الكاف الذي يأخذ منه الماء أخرجه أبو داود والنسائي واحد وخمسون قال وأن عبد الله بن زيد في صفة الوضوء ثم أدخل صلى الله عليه وسلم يده فمضمض واستنشق من كاف واحد يفعل ذلك ثلاثا muttafaqun alayh. Qu'il dit le 49e hadith selon Talha ibn Musarrif, selon son père, selon son grand-père, qui dit que j'ai vu le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam séparé entre la mazmada et le sinchak. C'est-à-dire il a fait la mazmada seul et le sinchak après, apporté par Abu Daoud et le Isnad al-Da'if. Deuxième, qui est le 50e hadith, selon Ali, qui est dit que le Prophète sallam a fait la mazmada et l'estinchak trois fois. Et il l'a fait d'une seule main, du moins de la main, de laquelle il a pris l'eau. Vous voyez, min al-kaf alladhi ya'khudhu minhu al-ma', de la main de laquelle il a pris l'eau, apporté par Abu Daoud. Et ce hadith-là est sahih. Et le 51e, selon Abdullah ibn Zayd, radiallahu anhu, toujours dans l'eau d'eau, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ensuite a rentré sa main, c'est-à-dire dans l'eau, il a fait sa mazmada, il s'est rincé la bouche, ou le stinchak, d'une seule main, et il l'a fait trois fois. Naam. Donc il dit, mas'ala, par rapport à ces ahadith, al-jam'u bayna al-mazmadati wa al-stinchaki min kafin wahidin. Le fait de lier entre la mazmada et le stinchak d'une seule main. Il dit que le premier hadith démontre la permission de séparer entre les deux. Et un certain genre de Shafi'iyah ont pris cet avis-là. Cependant, le hadith, il est faible. Le hadith, il est faible. Alors que les autres hadiths, eux, sont authentiques et démontrent que tu fais le tout ensemble. La mazmada, c'est une chair d'une seule main. Il cite une parole de Nawawi qui dit justement ce qui est authentique et ce qui est correct, c'est qu'il est préférable de lier. C'est-à-dire de le faire en une seule main. Et c'est une parole d'Ibn Qayyim, rahmallahu ta'ala, dans Zadul Ma'ad, où il dit « Oulam yaji nel fasl bain al madbarati ou al sinchaq fi hadithin sahihin » qui n'est venu aucun hadith authentique démontrant la séparation entre la madmada ou le sinchaq. C'est une chose que beaucoup de gens ignorent dans l'ozo et que beaucoup de gens ont du mal à faire. Quand ils font l'ozo, quand ils font la madmada, qu'est-ce qu'ils font? Une fusée, ils mettent dans la bouche, ils secouent, ils crachent. Ils reprennent, mettent dans la bouche, ils secouent, ils crachent. Ils reprennent, mettent dans la bouche, ils secouent, ils crachent. Et après, ils prennent, mettent dans le nez, ils ressortent. Trois fois de suite, Kazal. On dit non, la sunna, c'est pas ça. La sunna, c'est réussir à contenir l'eau dans ta main. Attention, faut être habile. Une partie, tu l'aspires avec ta bouche, et l'autre partie, avec ton nez. D'une seule main, en même temps. Deux étapes. Première étape, aspiration buccale. Deuxième, nasale. Avec une seule main. Tu craches l'eau. Après, avec ta main gauche, tu fais l'istighfar, tu expires l'eau. Tu recommences une main comme ça. Bouche, nez. Tu craches, du moins avec ta bouche, tu craches. Après, avec la main gauche, tu expires l'eau. Troisième puisée, avec la main droite. Bouche, nez, tu craches d'abord et après, tu expires. Avec la main gauche, c'est comme ça. Et les gens, ils ont du mal à le faire. C'est-à-dire qu'au début, c'est un peu compliqué. Mais tu t'habitues, en fait. Donc, quand tu fais l'eau d'eau, faut le faire. Hein, le plus proche possible de la sunna, il n'y a pas de machakwa à faire comme ça. C'est juste qu'on n'est pas habitué. Déjà, ils disent, mais comment j'arrive à avaler de l'eau et en même temps, aspirer avec mon nez? C'est pas les deux en même temps, c'est un et après l'autre. D'un seul geste. C'est vrai qu'il faut être, tu vois, faut être habile. Mais au fur et à mesure, tu le fais au moins, on va dire, plusieurs fois par jour. Donc, au bout d'un moment, alhamdoulilah, ton corps va s'habituer. Bismillah ta'ala. Naam. Donc, attention. C'est mas'ala muhimma. Lorsque tu fais l'istinchaq à la madmada, c'est d'une seule main et ensemble. D'une seule main et ensemble. Tu aspires par la bouche et par le nez avec la main droite, tu craches et tu expires avec la main gauche. Quand tu expires, il y a des choses qui sortent avec. Donc on a dit la gauche, c'est pour les choses, plutôt pour les choses qui sont plus proches de la saleté. Hakaza. Tamam, hada. Donc il y a eu beaucoup de hadiths, mais c'était court. Tous autour d'un sujet qui était l'ordre, tartib, le fait de faire tourner l'eau sur les coudes, et là le fait de faire la mort de la sincère d'une seule main. Non, c'est mon frère la sunna, mais le lozo, il jusait. Le dos, il jusait. Mais c'est pas sunna de le faire comme ça. Il n'y a pas de dalil. Enfin, il y a un hadith d'arif, tu vois, qui fait que voilà. C'est pas un truc qui a été inventé non plus comme ça. Mais à la base, c'est pas sunna de faire comme ça. On me fume? Tamam. Fa ila huna wa alhamdulillahi rabbil alamin.